paloma qui libella à 8 heures du temps. Sonny, Sonny, Sonny, Sonny, Sonny et Sonny et Bandécole. Libella à bêta qui t'en l'eau, les longs et couffés. Oyo baloma ki, libala ya 6 heures du temps. Sonny, Sonny, Sonny et Sonny et Bateko. Libala beta kitolo, lelo et koufi. Nakoka mwa kamingi, po basalanga moto mwindo. Nakoye bakate, po sonanga, soki ezali etu. Nako tuna kananzambe, aebi sangai kasi mwe zalite. Nako monoko, mpasi, ah. Mikili misusu, bato mwindo monyololo na maboko. Mikili misusu, bato mwindo fumbola na monoko, Nako tuna katina, oyo basalane moto mwindo. Nako eba kate soki. Soki na kanisi lobi na kofufa na pasio ezali na gabande na koyebani ne kosa na kati ya mokili te na kotu na katina oyo basala ngai moto mwindo na koyeba kate soki nazali na mpasi. Balobaki, libala ya 6 heures du temps. Sonny, Sonny, Sonny, Sonny, Sonny et Sonny et Bandeko. Libala beta kitolo, lelo et koufi. Ah!